C'est votre série, Seven Island College. Tu devrais finir ton jambon, Juliette. Il faut prendre des forces pour le collège. J'arrête de manger du porc, man. Oh mon Dieu, ma fille est devenue une extrémiste d'Al-Qaïda. Non, papa, tu comprends rien. Je suis pas musulmane. J'arrête de manger du porc, mais aussi du bœuf et tout ce qui est mangeable. Même les merguez de Ramirez ? Même les merguez. Mais tu peux pas faire ça. C'est une tradition de manger. À ton avis, à quoi tu crois qu'on reconnaît un vrai Américain ? C'est grâce à sa surcharge pondérale. Alors si tu veux faire honneur au drapeau, mange tes frites. Non, vous me dégoûtez tous. Je vais faire une fugue dans ma chambre. Attends, Juliette. Laisse Harvey. On ne l'a pas vu grandir, Rod. Ouais, pas. Qu'est-ce qui se passe avec ta sœur ? Ma sœur, vous me confirmez que c'est ma sœur ? Ah, y a de quoi vous couper l'appétit. Hein. Toi, ça te ferait pas de mal d'être un peu anorexique. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, Juliette ? Mais j'en sais rien, je m'appelle Papa Corabane. Je lis pas l'avenir dans les pots de mayonnaise. Va lui poser la question. Vous êtes de la même génération, vous avez grandi ensemble, regardez les mêmes séries débiles à la télé. Vous comprenez, Rod ? Vous me gavez, je peux rien faire. Ça suffit, Rod. Si t'y vas pas, tu seras privé de ta console Playbox. Ah non, pas la Playbox, j'y vais de suite. Juliette, c'est Rod. T'as pas vu le panneau sans interdit ? Alors dégage. Désolé, j'ai pas encore eu mon code de la route. Qu'est-ce qui va pas, Juliette ? Je te dirai rien. Si tu me parles pas, je mets à fond un CD de Carlos. Je laisserai tourner toute la nuit. T'es même pas cap. Ah ouais ? Arrête ! Arrête, c'est bon. Je vais tout te dire. J'écoute. Voilà. Tout a commencé au collège. Le capitaine de l'équipe de bowling m'avait donné rendez-vous à 18h après le match. Il est arrivé en voiture de sport. Hey, salut ma poulette. Salut Kirby. Tu sais quoi, t'es super belle. Tu me fais penser à un tableau de Picasso. C'est gentil. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas sortir avec toi samedi. Pourquoi? T'es jolie, t'es sympa, mais t'as des fesses trop grosses et je sors qu'avec des pom-pom girls. Question de répute, quoi. Tu rigoles? Non, il faudrait au moins toute la toile d'un parachute pour te faire un string. Mais je veux bien faire l'amour avec toi. Entre amis, évidemment. C'est qu'un pauvre type. Tu sais, beaucoup de filles auraient été flattées à ta place. Flattées. Flatté, tu te rends compte? Ouais, du coup tu veux plus manger pour maigrir. Je sais plus où j'en suis. C'est pas en changeant ta nature que Kirby va t'aimer. Et s'il t'apprécie pas, c'est qu'il te mérite pas. Tu le crois vraiment? Mais oui, il y a des tas de filles qui ont des gros culs et qui s'en sortent. Regarde Jennifer Lopez, elle a fait une carrière internationale basée sur son gros postérieur. C'est vrai. Au chiotte Kirby, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. C'est pour ça qu'on est frères et sœurs, c'est pour la vie. Sache-le. Seven Island College, 10h du matin. Salut Barrett. Salut Kirby. Dis donc, ça a sonné. Tu vas être en retard à ton compte tricot. Très drôle, mais c'est anglais renforcé. C'est ta connerie qui est renforcée, ton anglais t'a chié. Lâche-le Kirby. Excuse-moi Rod, je savais pas que c'était toi sa nouvelle nounou. Je vois que t'as la langue toujours aussi pendue Kirby. Fais gaffe de pas te la coincer dans l'élastique de ton caleçon. T'inquiète, je porte que des boxers à dentelle. Tu dois être très mignonne en dentelle. Plus que ta mère. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je dois filer les gonzesses. Ouais, c'est ça. Ce gars-là, depuis qu'il est quarterback de l'équipe de bowling, il se croit tout permis. Ouais, il a même fait des avances à ma sœur. Des avances de quel genre? Le genre d'avance qui te fait retrouver 9 mois plus tard avec un bébé dans le ventre. Il lui a proposé une fécondation in vitro? Non, il voulait lui faire l'amour en vrai. C'est dégoûtant. Ouais, faudrait lui donner une bonne leçon. Je crois que j'ai une idée. Ah ouais? Ouais, mon père il a un élevage de chevaux dans un champ près d'un fast-food. Les clients leur refilent sans arrêt des restes de hamburgers. Et les chevaux ils sont tout le temps constipés. Pourquoi tu me parles de ta famille? Écoute, tu vas comprendre. Le veto il leur refile un produit pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Du crotonus. C'est un médicament. Ça envoie les chevaux direct au WC et pas besoin de pruneaux. Ah je vois. Demain midi, au self, c'est purée. Et Kirby va encore demander du rab. Ah ouais, tu vas mettre du crotonus dans sa purée. Eh, je pourrais avoir du rab. Vous en avez eu déjà deux assiettes, Kirby. Il ne faudrait pas exagérer. Tu peux finir ma part si tu veux. D'accord, mauviette, mais dégage de ma vue. Tu me coupes l'appétit. Gros porc comme il est, il va tout s'enfiler. Et après, on aura cours de poésie. À l'auditorium, ça sera un vrai déluge. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Nous allons attaquer le cours avec les poèmes que vous deviez écrire. Kirby, c'est à vous d'aller au tableau. Nous allons écouter votre beau poème. Dame, je crois que je suis malade. Vous ne m'avez pas bien compris. Ce n'est pas un remake du malade imaginaire que je vous demande. Alors dépêchez-vous d'aller au tableau si vous ne voulez pas avoir un zéro. C'est un poème sur le sport. Le sport permet d'aller au bout de soi-même. Tu vas pas trop au bout quand même, hein. Continuez. En sport, c'est au moment de la victoire qu'on sent que... Nous aussi, on le sent bien par ici. C'est dégueulasse. Ce Kirby, vous êtes immonde. Vous allez tout de suite filer à l'infirmerie. Oui. Dépêchez-vous. Si tu veux, je te prête les couches de ma petite sœur. Ça suffit. On l'a bien eu. Tapement 5. Et puis s'il avait pas mangé sa purée, je l'en avais mis dans son Fanta. Dans son Fanta? Mais j'ai fini son verre. T'as les prix qu'il croyait prendre. Oh non. T'es isolé.